Bonjour, je m'appelle Luc Saint-Elie, je suis un citoyen honnête, responsable, père de famille, etc. Et il m'est arrivé un truc incroyable. Un jour, j'ouvre mon portable sur la table de ma cuisine pour regarder mes emails. Et dans le lot, il y en avait un d'un type inconnu, signé d'un nom bizarre, quasi anonyme, le liseur. Le liseur, ça fait un peu comme Joker ou Fantomas. Je regarde cet email, il me proposait de lui lire un texte, en précisant que j'avais carte blanche pour faire ce que je voulais. Bon. Alors je regarde sur le site en question, parce qu'il y avait une adresse web, et sur le site, je vois plein de textes qui ont été lus, de textes très sérieux, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des trucs comme ça, des vrais textes comme on apprend à l'école. Et je me dis que c'est beaucoup trop sérieux pour moi tout ça, et je me referme l'email, et puis au fond, après tout, pas une mauvaise idée. Alors je regarde mes cartons, je viens de déménager, mes bouquins sont encore pas sortis des cartons, et sur le dessus du carton du haut, il y avait la pile de Chester Himes. Chester Himes, c'est un de mes auteurs favoris, c'est un auteur américain, noir, qui raconte, vu de l'intérieur, sur un ton assez gouailleur, la vie des noirs aux États-Unis au début du siècle. Chester Himes, c'est un peu au noir américain ce que John Fante est aux immigrés italiens américains. Ils sont assez proches tous les deux. Cette vie comme ça, vue de l'intérieur, sans gants, sans phare, sans rien. Et le premier livre de la pile de mes Chester Himes, c'est Faut être nègre pour faire ça. Alors je l'ouvre, et c'est un recueil de nouvelles. Il y en a pas mal, bouquin plutôt bien. Et elles sont courtes, ces nouvelles, ce qui se prête donc bien à cet enregistrement. Alors je l'ai feuilleté rapidement parce que je m'en souvenais plus. Et parmi ces nouvelles, je vous en ai choisi une qui s'appelle « Les visages de la lune ». Alors vous allez vous la faire, tant pis pour vous. Lorsqu'elle apparaît au bord de l'embrasure de pierre grise, on dirait la tranche luisante d'une pièce d'$1, toute neuve, serrée dans une main gantée de noir. Vous seul voyez les barreaux métalliques sombres contre le ciel noir et vous savez que c'est la lune. Elle jette un œil par la fenêtre de votre prison. Couchée sur votre lit, vous la regardez un moment. Puis vous vous dites, du ton révérend que vous réservez au bureau des libérations sur parole, « Seul Dieu, dans sa grandeur majestueuse et omnipotente, a su créer un tel astre. Si, lorsque j'étais petit, j'avais eu un peu de jugeote en la regardant au lieu de lui faire des grimaces, je n'aurais certainement pas manqué de m'en rendre compte. Alors, j'aurais probablement observé les 10 commandements, et je ne serais pas ici, couché sur une paillasse crasseuse à 5 pieds du sol. » Mais n'empêche, vous pensez à ce beau dollar tout neuf parce qu'en ce moment, il se trouve que vous êtes fauché, exactement comme vous l'étiez alors. Vous pouvez presque entendre les paroles qui vont avec l'image, si toutefois vous avez jamais eu l'occasion de les entendre. « Écoute, cloche, t'es fauché et t'as faim. Voici $1, un beau dollar tout neuf. Tu pourras t'acheter des œufs au jambon et quelques tasses de café en plus. Ça fait aussi de quoi te payer la gnôle qui te fait envie. » Des mots doux et persuasifs. « Un bon verre de whisky roux, plein à ras-bord, 2 ou 3 verres. » Là, la voix s'arrête et on veut contempler l'effet produit et constater l'avidité qui dilate vos yeux bordés de rouge. Vous savez que l'homme qui parle est sûr de sa proie. Vous sentez la neige s'infiltrer dans vos chaussures informes à travers des semelles minces comme du papier à cigarette. Vous vous demandez s'il le sait. Et puis, il vous montre un peu plus du dollar, comme la lune se dévoile progressivement à travers votre fenêtre. Il dit « Tu vois comme il brille, hein ? C'est du whisky, du bon vieux whisky roux. 4 bons verres bien tassés dans ton estomac. Voilà ce que c'est $1. En échange d'un tout petit service. Un service en vaut bien un autre. » Alors vous le regardez dans les yeux car ses paroles semblent répondre à votre prière. Tout de suite, allongé sur votre couchette, vous pouvez presque le voir ce visage tandis que vous fixez le bord de la lune à travers la fenêtre. Un visage syphilitique, plein de boutons, de gros yeux noirs ronds comme des billes, une bouche aux lèvres fines et rouges qui a l'air de saigner. Alors vous pensez aux assassins d'enfants, aux rats dans les granges et aux détrousseurs de cadavres. Mais vous le voulez ce verre. Vous en avez terriblement envie. En fait, pas si terriblement que ça. Alors vous continuez à traîner vos guêtres dans la neige, il fait froid, vous frissonnez un peu. Mais vous n'avez pas vraiment froid, car vous vous trouvez sous la couchette du haut, dans une prison sale, et que vous regardez la lune par la fenêtre. Vous avez envie de rire, mais vous ne le faites pas. Les lumières ont été éteintes il y a plusieurs heures pour qu'il soit fait silence, et puis tout à coup, la lune semble faire un petit saut et vous pouvez enfin voir le grand disque d'argent tout entier avec l'auréole de poussière lumineuse des étoiles. Elle est à gauche des carrés de barreaux noirs quadrillant votre fenêtre et vous vous demandez si, comme on le dit, la lune rend les gens fous et si elle soulève l'eau de la mer et vous vous posez des tas d'autres questions complètement dingues. Vous pensez au gars là-bas dans le couloir de la mort. Marrant, vous n'y avez pas pensé avant, enfin, pas comme maintenant. Vous vous demandez s'ils voient la lune et ce qu'elle signifie pour eux là-bas. Eux qui passent des nuits sans sommeil à la regarder en attendant la chaise électrique. Et puis tout à trac, vous vous dites « Merde !» Et vous vous efforcez de ne plus penser aux pépettes tronquées de là-bas. Vous savez que ces pensées-là vont vous rendre barjot, mais elles s'accrochent quand même à vous, comme le bruit des pas lourds des détenus à la promenade. Des petites phrases caracolent dans votre tête. Dernier mile, fin du voyage, la nuit est faite pour pleurer. Vous aimeriez ne pas avoir à vous rappeler de telles choses. Vous essayez de regarder les types autour de vous, dans le dortoir. Il y a l'artiste, à la figure en lame de couteau, au sixième lit, plus bas dans l'allée. Il fronce les sourcils en dormant. Il est là parce qu'il a tué sa petite amie, c'est ce qu'on raconte. Il aurait affirmé qu'elle était vachement trop belle pour vivre. Alors vous vous demandez si on l'a obligé à sortir avec elle ou s'il a perdu la tête. Vous regardez son menton, dur et pointu, son visage contracté même dans le sommeil et vous pensez que non. Et puis vous cessez de penser aux prisonniers, aux prisons, aux palourds qui défilent, aux gars du couloir de la mort. Vous vous amusez un instant à appeler à la rescousse vos souvenirs agréables. La fois où vous étiez à Miami, l'hiver qui suivit le meurtre que vous avez commis à Arlington Park. Vous étiez planté en haut du jardin suspendu de cet hôtel de luxe. La lune brillait à travers les franges des palmiers. Vous étiez là, contempler tout ça, comme au début du carnaval. Au loin, sur la mer argentée, vous voyez la fumée d'un paquebot. Et alors vous dites tout bas, « Ah, la nuit, les bateaux qui passent !» La blonde câline se blottit davantage contre vous et vous murmure. Mais vous n'y faites pas attention, vous vous demandez si la femme de vos rêves vogue à bord du navire. Vous entendez le faible écho de la sirène, triste et grave, vous voyez les étoiles dans le ciel, vous voyez la lune, un grand disque d'argent, si bas que vous avez l'impression bizarre de pouvoir le toucher en étendant le bras. Et puis vous sortez de votre rêve, l'oreiller tendrement serré contre vous, vous levez les yeux, plafond bas de béton, joint d'acier, vous dites « aïe, aïe, aïe, aïe, aïe » et vous sautez de votre couchette pour courir aux toilettes. Vous risquez de vous cogner dans le gros malabar qui a tué le marchand de 4 saisons pour lui voler 14 cents. Il est un peu bizarre et vous préférez pas lui parler. Ou alors vous risquez de rencontrer un des noirs qui dorment par là. Et puis lorsque vous revenez, en vous faufilant entre les couchettes, vous voyez un grand morceau de clair de lune par terre, un long rectangle d'argent pâle qui se détache sur les ténèbres. Vous pensez que c'est un tapis volant posé là dans l'ombre par quelque divinité malicieuse. Alors vous vous demandez si en montant dessus, il vous emmènera quelque part. Et où ? Et brusquement, vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'une tache de clair de lune sur le sol de béton. Vous vous surprenez à penser à ces folies et un frisson vous parcourt l'échine. Vous vous demandez si la lune vous rend marteau et vous retournez vite vous coucher. Allongé, les yeux fermés, vous dites « Je vais arrêter de penser au clair de lune, aux prisonniers, aux bateaux en mer et à tous ces machins-là et je vais dormir. » Mais tout d'un coup, vous vous rendez compte que la lune vous a de nouveau ouvert les yeux et vous les plongez droit dans le gros disque d'argent. Et vous le regardez, vous y voyez un visage, le joli visage expiègle de Naomi ou de Wanda ou de Rhoda. La bouche est fière, les yeux doux, le sourire étrange et mélancolique. Vous êtes couché là et vous pensez à elle. Vous pensez s'attendrisse, tourne à la guimauve. Naomi qui vous a viré il y a bien longtemps et à qui vous avez encore rêvé pendant bien longtemps. Naomi dont vous entendiez la nuit les vociférations pendant que, tapis dans un bidonville crasseux et rongé de vermine, vous attendiez d'en sortir. Et maintenant, devant ce visage condamné à rester dehors, derrière les barreaux de la prison, ce visage souligné par une clarté bizarre, démente sur la surface de la lune, vous vous demandez ce qu'elle devient, où elle est, si elle fait le trottoir à San Francisco ou si elle élève sa progéniture à Waco, Texas, et vous parlez à ce visage sur la lune. Écoute-toi, si tu n'existais pas, toi, toi la putain qui m'a doublé, je ne serais pas en train de croupir dans cette tôle pourrie alors qu'il est. Mais vous n'en pensez pas un mot. Un instant, vous avez l'impression que la lune s'immobilise et que c'est l'éternité qui défile devant vous pendant que vous dévisagez la face de Naomi ou de Wanda ou de Rhoda. Ça vous fait un drôle d'effet dans le ventre, comme si vous veniez d'encaisser une série de coups bien tassés, administrés par un boxeur poids lourd. Mais le silence épais et poisseux vous enveloppe et interrompt le cours de vos divagations. Vous riez de tout, tout bas, d'un rire qui chevrotte un peu parce que vous vous sentez monter la peur de vos propres pensées. Vous voyez un type s'asseoir sur son lit et approcher la flamme d'une allumette de sa cigarette. Vous vous sentez soulagé. Tout au fond de l'allée, près de l'entrée du dortoir, vous voyez un ray de lune oblique sur la chaise du gardien. Vous avez l'impression que c'est ce rayon lumineux qui retient la chaise quand le gardien se balance d'avant en arrière à deux doigts de perdre l'équilibre. Vous restez couché, vous riez intérieurement parce que vous vous sentez léger et un peu bizarre. Et tout d'un coup, vous voyez que la lune est en train de disparaître de votre fenêtre. Il n'en reste plus qu'un bord tout fin de l'autre côté. Vous repensez au dollar neuf et brillant, étroitement serré dans une main gantée de noir. Vous savez que vous l'avez refusé. Il fait froid. Puis elle disparaît complètement. Vous ne voyez plus que la pâle auréole qui la suit, une légère lueur blafarde dans la nuit, et très vite, cela aussi disparaît. La nuit devient noire, les barreaux noirs dans la nuit noire. Vous tirez la couverture sur vos yeux, vous tournez le dos à la fenêtre, vous voulez vous persuader de dormir, de cesser de penser à ces absurdités sans queue ni tête, sinon vous allez devenir dingue. Mais vous n'arrivez pas à trouver le sommeil. Voilà, pas mal, hein? Puis en plus, c'est du vécu. Chester Himes, avant de devenir écrivain, il a fait 7 ans de pénitencier pour vol à main armée.